Troisième volet de notre série dans la Fabrique de l'Histoire consacrée à l'histoire de la Bretagne. Ce matin, naissance et renaissance d'une langue, la langue bretonne. Après avoir imaginé l'histoire d'une Bretagne mondialisée lundi avec l'historien Joël Cornette, puis hier nous être demandé comment l'histoire locale de la France pouvait s'appuyer sur l'exemple de l'histoire de la Bretagne, aujourd'hui nous allons, dans le débat, tenter de retracer les aléas d'une langue, le breton. Nous le ferons en compagnie de Victor Massé-Dépiné, qui co-animera cette émission avec moi, mais également de nos trois invités. Renan Calvez, il est enseignant-chercheur à l'Université de Bretagne Occidentale et directeur du CRBC. Il va nous expliquer ce qu'est ce centre de recherche qui fête ses 50 ans cette année. Il est auteur de la radio en langue bretonne et spécialiste du breton mondain, dont il nous expliquera également ce qu'il entend par ce terme breton mondain. Nelly Blanchard est également avec nous. Elle est enseignante-chercheure, professeure de breton et celtique à l'Université de Bretagne Occidentale et membre du CRBC également, auteur entre autres du Barzaz Bryce, une fiction pour s'inventer aux presses universitaires de Rennes en 2006. Et puis Manaïk Thomas est également avec nous. Elle est enseignante-chercheure, maîtresse de conférences en littérature bretonne, auteur de Pierre-Jacques Azélias, Le cheval d'orgueil, Le regard d'un enfant, L'œil d'un peintre, chez M. Gléo Braise. Comme il y a 105 ans, l'écrivait à leurs ancêtres en vers breton mon oncle Charles de Gaulle. Va Gorf, Zodachet, Mes, Davidoch, Nisi Vasperet, Vela Labus Adenaskel, Niji, Dagout, Hevreder, Abel. Voilà, j'ai voulu commencer cette émission pour faire pièce aux remarques de nos auditeurs qui disent que je ne sais pas parler le breton, pour trouver quelqu'un qui le parle peut-être encore moins bien que moi, peut-être. Il s'appelle Charles de Gaulle. C'est en 1969, lors de sa tournée donc en Bretagne, à Quimper en particulier. Nous sommes le 2 février et son texte en breton, donc venant de son grand-oncle Charles de Gaulle, c'était donc « Mon corps est retenu, mais mon esprit vole vers vous comme l'oiseau à tire-d'aile vole vers ses frères qui sont au loin ». Enfin, en tout cas, c'est la traduction que a trouvé donc Thomas Duterre, notre réalisateur de cette longue phrase en breton. Bonjour à vous, Victor Massé-Dépiné. Bonjour Emmanuel. Bonjour Nelly Blanchard. Bonjour. Bonjour Manaïk Thomas. Bonjour. Et bonjour à vous, Renan Calvez. Bonjour. Donc, celui qui est le plus centralisateur, ou imaginé comme tel, le plus centralisateur des présidents de France au XXe siècle, est aussi celui qui s'est attaché à parler, quand il allait en Amérique latine, en espagnol, Marcha Ramos, la mano en la mano, en français du Québec au québécois, et quand il allait en Bretagne, à parler le breton. En effet, on entend Charles de Gaulle parler breton. Enfin, en tous les cas, il essaye de parler breton. Et on est très clairement dans le symbole. Je ne sais pas si vous avez entendu les petits rires qu'on entend. La foule est évidemment surprise. Elle est surprise d'entendre le président de la République, enfin, qui vient quand même pour un référendum sur les régions, de décentralisation, et qui prononce un poème et qui déclame. Alors, vraiment, il déclame un poème de son grand-oncle, de son arrière-grand-oncle. Et évidemment, la population, je suis pas sûr qu'elle comprenne vraiment, les gens comprennent pas ce qu'il dit. Mais visiblement, il y a quelques sons qui peuvent penser que c'est du breton. Oui, Nelly Blanchard, vous qui avez travaillé en particulier sur le Barzaz Bryce du Marquis de la Ville Marquet, sur cette réinvention du début du 19e siècle du breton littéraire ou de la transcription du breton oral sur le papier. En l'occurrence, ce Charles de Gaulle, il était connu de tous ceux qui s'intéressaient à cette langue bretonne, ou c'était un peu une sorte de farfelu ? Je dirais un peu des deux. C'est vrai qu'il était une personnalité importante de la sociabilité autour de la Bretagne au début du 19e siècle, dans la première moitié du 19e siècle, et il correspondait énormément avec la Villemarqué, qui était une figure importante de ce mouvement-là. Le fonds d'archives La Villemarqué contient énormément de lettres de ce Charles de Gaulle qui, de Paris, ne pouvait pas bouger parce qu'il était malade, mais a appris le breton et l'écrivait énormément. Et le 19e siècle a été marqué justement par une sorte de volonté d'intellectuels, d'écrivains. Je lisais quelque part que Lucien Aire, le grand bibliothécaire de l'École normale supérieure à la fin du 19e siècle, le grand Dreyfusard aussi, s'était entiché justement d'écrire à certains de ces intellectuels qui, en particulier je crois que c'était Anatole Le Braz à la fin du 19e siècle, en breton parce qu'il avait appris le breton en l'occurrence, alors que ça n'était pas du tout sa région d'origine. Oui, effectivement, en fait, tout le 19e siècle est caractérisé par une phase, on va dire, d'essai de reconnaissance de la langue bretonne, de singularisation de la langue et de montrer que la littérature de langue bretonne est différente de la littérature française. Ce qui est tout à fait nouveau, c'est une phase, on va dire, combative et narcissique puisqu'elle parle énormément d'elle-même. Et donc cette langue bretonne ou ces langues bretonnes, parce que je crois que la question est de se poser la question avec un pluriel en l'occurrence, puisqu'il y a eu des unifications successives de cette langue bretonne. On l'a fait remonter tout à l'heure, je disais, dans les brumes celtiques les plus lointaines. On sait d'où elle vient, quand elle naît, quand elle se développe, les premières traces de son existence. C'est quand exactement, Ronan Calvez ? Alors, il y a aucune assurance dans ce genre de débat, mais le débat est à peu près apaisé. Tout le monde est à peu près d'accord maintenant pour dire que ce que l'on appelle breton, et le mariage, c'est le mariage en fait entre la langue parlée par les migrants venant du Pays de Galles, notamment, enfin en tous les cas venant de Grande-Bretagne, qui viennent en Armorique, qui arrivent dans une Armorique qui est également romanisée, mais vit encore dans cette Armorique des gens qui parlent une forme de gaulois, le breton étant le mariage d'une certaine façon, ou la fusion avec l'influence du roman, mais du latin, un mélange entre le breton et la langue parlée par les migrants. Nelly Blanchard, c'est tout de même extrêmement intéressant, parce que cette langue, elle se construit comme toutes les langues d'ailleurs, par des apports, par des métissages de langues, et on sent que tout au long, quand on vous lit les uns et les autres, que tout au long de son histoire, elle est traversée par des influences qui viennent d'ailleurs. Plus tard, évidemment, le français qui pourra aussi migrer vers le breton tel qu'il est parlé. Et tout un tas d'autres influences comme celle-ci. Il n'y a pas de langue pure, pourrait-on dire, qui serait la même, évidemment, depuis le 7e siècle de notre ère jusqu'à aujourd'hui. Non, tout à fait. C'est vrai que cette notion de pureté n'existe pas hein, dans la question et dans les recherches sur le langage. Au contraire, toutes nos recherches visent à affiner par diverses méthodes, c'est à défaire toutes ces strates, toutes ces couches, ces apports. On en vient de parler effectivement de l'apport britonique et du mélange avec le gaulois, mais on peut effectivement mentionner la romanisation de la Bretagne qui a, d'une manière ou d'une autre, ne serait-ce que par les élites, apporté aussi, notamment par le vocabulaire, énormément de traits linguistiques. Et vers le 12e siècle, 10-12e siècle, la langue d'Oïl, puis beaucoup plus tard, le français, etc. Et donc le breton se nourrit effectivement de toutes ces données-là. Victor Massé de Lépiné. Alors, Emmanuel évoquait le pluralisme des Bretons. Quand est-ce qu'on commence à parler d'une langue cornoyaise, d'une langue léonarde, et surtout d'une langue du Vannetais, puisque dans la région de Vannes, on parle un dialecte, peut-être que le mot est acceptable, je ne sais pas, vous me direz, mais qui est plus sensiblement différent des langues qu'on parle au bout du Finistère ou dans le nord des Côtes d'Armor. Alors, on n'a pas d'enregistrement du 12e, du 13e siècle. C'est dommage. On a essayé d'en trouver pour vous. On savait déjà que ça ferait plaisir d'avoir Charles de Gaulle en breton, mais on pensait qu'on en aurait pas. On n'en a pas. Les choses, ce qu'on possède, on possède des textes écrits, les premiers textes imprimés littéraires, c'est 1530, La Passion, La Résurrection. Donc des textes religieux qui sont imprimés dans ces textes religieux, dans toute cette littérature du 16e, 17e siècle, principalement littérature religieuse, on n'a pas beaucoup de traces dialectales, on a une forme de koiné, c'est-à-dire c'est une langue de culture, la langue de l'Église, mais on sait indirectement et en creux que ce que l'on appelle dialecte existe déjà, qu'il y a des variations, comme dans toutes les langues, hein, il y a des variations, que ces variations sont présentes dès le, ben, sans doute dès le début, hein, mais là on n'en a pas de témoignage. Par contre, on a une langue de culture, une langue élevée qui est façonnée par l'Église catholique et qui va être façonnée par l'Église catholique dès le 15e siècle, sans doute avant, jusqu'au 20e siècle. Oui, et on a, on le disait lundi avec Joël Cornette, un premier dictionnaire entre français, latin et breton qui date de la toute fin du 15e siècle. Tout à fait, le Catholicon de Jehan Lagadec, qui originaire de Plougonvin, qui a effectivement compilé un certain nombre de vocabulaire dans ces trois langues. Dans un but prosélyte, l'objectif étant de d'évangéliser la population, c'est-à-dire de servir de vadémécum pour des missionnaires ou pour des gens qui viennent évangéliser les Bretons. Des missionnaires qui évidemment ont parfois des velléité de faire désapprendre le breton pour apprendre justement par exemple le français après le 15e ou le 16e siècle, et en particulier des jésuites qui vont dans les grands collèges du 17e siècle ou du 18e siècle former des élites qui vont désapprendre ou qui vont continuer d'apprendre le français et peut-être désapprendre le breton, Ronan Calvez. L'objectif des jésuites, c'est de sauver l'âme des bas bretons et sauver l'âme des paroissiens, sauver l'âme des chrétiens, des catholiques. La langue est un outil pour les sauver. Donc on façonne en effet une élite, intellectuelle, cléricale, mais l'objectif de cette élite, c'est ensuite d'évangéliser. Donc il faut qu'elle parle le breton quand même. Évidemment, bien sûr. Évidemment. Ouais. Oui, donc les jésuites, il y a même un jésuite célèbre, le Père Monnoir, qui, grâce à l'intercession de la Vierge, en une nuit va apprendre le breton pour pouvoir évangéliser ensuite. Et faire une grammaire de breton, en l'occurrence. Et faire une grammaire de breton. C'est oui, un pivot biculturel, c'est un pivot bilingue, biculturel, qui permet le passage de la religion auprès de la population. Ronan Calvez, vous avez travaillé ces temps-ci sur ce que vous appelez le breton mondain. Qu'est-ce que le breton mondain au XVIIe ou au XVIIIe siècle surtout ? Un breton et mondain, a priori, ça va pas ensemble, parce que qui dit breton dit paysan, dit plouc, qui dit mondain dit salon, dit sociabilité. En fait, il se trouve que on possède de nombreuses traces, souvent manuscrites, de textes rédigés par des bourgeois ou des nobles, en tous les cas des gens cultivés, qui écrivent en breton. Ces textes sont restés à l'état de manuscrit. Au XVIIIe siècle, on a des textes, notamment un texte de François-Nicolas Pascal de Kerenveillère, un roscovite. C'est votre héros. C'est mon héros. Kerenveillère, a publié une œuvre a rédigé en breton un opéra comique, des épigrammes licencieuses, des contes scatologiques. Tout ça. La chanson du P, par exemple, c'est lui qui l'a écrit. La chanson du P, c'est pas lui, c'était Star. Mais voilà. c'est un autre. Mais en effet, c'était un contemporain de cette fin du XVIIIe siècle. Et donc, cette littérature-là, elle ne peut être entendue et comprise que par des gens qui connaissent et le breton et le français. Et qui ont une culture gréco-latine. Parce qu'il y a de nombreuses références à l'Antiquité gréco-latine. Il y a de nombreuses références culturelles contemporaines. Et il y a également ce que j'appelle des métaphorisations françaises, c'est-à-dire on prend des mots français ou on élargit le sens des mots bretons en utilisant le sens de mots français équivalents, ce qui rend la compréhension difficile pour des gens qui ne connaissent pas le français. Oui, c'est quand même extrêmement intéressant parce que ça nécessite une sorte d'agilité intellectuelle, ce que Ronan Calvez appelle la question du breton mondain. Ça laisse penser qu'il y a des gens qui peuvent entrer dans ce cercle et d'autres qui n'y sont pas, d'une certaine façon. Et donc, marche à deux ou trois vitesses ou quatre vitesses, on ne sait pas d'ailleurs à combien de vitesses est cette marche du breton dans les années du XVIIIe siècle, mais c'est quand même intéressant que d'essayer de comprendre cette variété d'approche de la langue pour ceux qui parlent le français, le latin, le breton, pour ceux qui ne parlent que le français et le breton, pour ceux qui ne parlent que le breton, ça fait quand même des différences en l'occurrence, Nelly Blanchard. Oui, tout à fait, de grandes différences. Ici, on a une culture voilà, de l'entre-soi, au sein d'une société restreinte, de gens qui se connaissent très bien. Et c'est vrai que sur cette période-là, on a assez peu de données sur les éléments de culture d'autres couches sociales, par exemple de la culture populaire. Si ce n'est que vers la fin du 19e, on va avoir des traces, même s'il est assez difficile de se projeter complètement dans ce qu'elle a pu être au 18e siècle. Mais effectivement, voilà, quand apparaît comme ça un texte, un manuscrit inattendu, ça nous révèle quand même des pans entiers. On peut se projeter dans ce qu'a pu être le breton cultivé à ces époques-là. Et ça complexifie les représentations que l'on a souvent des pratiques langagières en Basse-Bretagne. Il y a eu pendant de nombreux siècles une couche intermédiaire de la population qui connaissait et le breton et le français et qui servait d'intermédiaire entre une grande noblesse et la paysannerie et l'artisanat ne connaissant que le breton. Victor Massel. Les représentations plus traditionnelles qu'on a, c'est une langue, vous avez dit de plouc, mais en tout cas une langue informelle, une langue qui sert aux échanges pour les paysans et les petits commerçants. Est-ce que c'est ça qu'on appelle le badum? Vous êtes fort bien renseigné. C'est alors parce qu'il y a des mots quand on lit tous vos articles, il y a des mots qui sont pas toujours bien expliqués. En fait, voilà, le badum, c'est un néologisme qui vient du breton badum, qui veut dire chez nous. C'est-à-dire le badum, c'est ce que l'on parle chez soi. Que l'on parle chez soi, c'est-à-dire ce que l'on parle dans son canton, c'est-à-dire qu'on parle avec des gens. Nos interlocuteurs, on n'est séparés par aucune limite institutionnelle, symbolique, avec nos interlocuteurs. C'est la langue du marché, par exemple. C'est la langue du marché. C'est la langue du travail. C'est pas ce qu'on parle ici en ce moment. C'est qu'il existe aussi des badum français, mais là, ce qu'on parle ici, nous sommes séparés par une limite institutionnelle, symbolique. Ouais. Donc, nous parlons un idiome du français. On est face à des universitaires. Nous sommes face à des animateurs de radio célèbres. Donc, en effet, il y a une limite institutionnelle entre nous. Et c'est un néologisme qui apparaît quand, parce que c'est important de voir quand est-ce que il y a une réflexivité qui apparaît sur la langue bretonne. C'est-à-dire que une des nouveautés au XXe siècle et dans la seconde moitié du XXe siècle, une des nouveautés méthodologiques et de réflexion, c'est la sociolinguistique et c'est la sociolittérature. Les deux apports en fait de la recherche en Bretagne les plus récentes, à mon sens, c'est la sociolinguistique et la sociolittérature. Ce que font d'ailleurs mes chers collègues. Et on pourrait, puisqu'on a parlé de ce breton mondain, parler de quelqu'un qui est concomitant à cette période-là, de la fin du XVIIIe siècle. C'est Jean Conant de Guingamp et ses aventuriaux. Qu'est-ce que c'est comme titre de texte? C'est plus de 7000 vers en breton qui ont été écrits au tout début du 19e siècle par quelqu'un qui n'est pas un lettré comme on l'entend habituellement, puisqu'il a été ancien marin de Terre-Neuve, il a été ancien soldat dans l'armée napoléonienne et donc il écrit ça à la fin de sa vie. Effectivement, Jean Conant n'aurait jamais dû écrire, a priori. On vient de le dire, l'image qu'on se fait de la langue bretonne est souvent liée à la paysannerie, etc. Or, il y a une contradiction interne, a priori, c'est qu'effectivement, la littérature de langue bretonne est très peu écrite par des paysans et des pêcheurs, etc. Mais il existe quelques rares cas, et Jean Conant en fait partie, c'est sans doute le premier connu, en tout cas chronologiquement. C'est un tisserand de métier qui a été valet à l'abbaye de Beauport, où il a attraper quelques éléments de culture à travers des livres de la bibliothèque de l'abbaye de Beauport. Il a effectivement été marin à Terre-Neuve, etc. Et la fin de sa vie, il écrit un texte de facture très surprenante, puisque c'est un texte autobiographique, mais écrit en alexandrin, ce qui n'existe pas normalement, c'est pas les codes du genre. En breton, bien sûr, en breton. Alors, dans une orthographe tout à fait personnelle, où transparaît son badum, c'est-à-dire le breton qu'il pratique chez lui. Et c'est un texte extrêmement intéressant, parce qu'il est inattendu. Et c'est peut-être pour ça que nous avons fait cette émission à l'occasion du 50e anniversaire de ce CRBC, le Centre de Recherche Bretonne et Celtique, auquel vous appartenez tous et toutes. C'est peut-être pour ça qu'il est intéressant de voir que en 50 ans de travaux universitaires, justement, de sociolinguistique, d'histoire de la langue, etc., on a affiné considérablement, grâce à ce centre, mais à d'autres centres en Bretagne évidemment, on a affiné considérablement la vision que l'on pouvait avoir justement de ce face-à-face entre souverains, entre guillemets, ou des dirigeants parlant le français, par exemple, et puis un peuple qui ne parlait que le breton, et qu'on voit des passerelles, des passages entre ces sphères géographiques et ces sphères culturelles très différentes. L'objectif, en fait, les nouvelles recherches menées au sein du CRBC, en effet, et dans d'autres centres, hein, évidemment, mais on s'est enfin intéressé à ce que disaient et ce qu'étaient les locuteurs et les habitants de la Bretagne et de la Basse-Bretagne. C'est-à-dire qu'on a affiné et qu'on a un petit peu remis en cause tout le roman national qui avait été écrit par des historiens bretons au 19e siècle notamment. On a un peu complexifié. Là, il y a eu des avancées. En 69, il y avait des choses qu'on pouvait pas. Il y a des sujets sur lesquels on ne pouvait pas travailler. 69, c'est la date de naissance du CRBC. Il y a des sujets sur lesquels on ne pouvait pas travailler. Maintenant, le travail il est fait. Les choses sont clarifiées. C'était quoi les sujets sur lesquels on ne pouvait pas travailler en 69? Il était sans doute assez difficile de travailler sur la Seconde Guerre mondiale, par exemple. Oui, c'est ce que vous avez fait. Il était sans doute aussi difficile de remettre en cause l'idée que au XVIIIe siècle, la noblesse parlait français, que la paysannerie parlait breton. C'était aussi des choses qui étaient. Il était difficile de parler d'Elias, de parler de Xavier Graal. Voilà, ces travaux ont été faits. Et en 1975, le grand poète Eugène Guivic s'entretenait à France Culture de sa situation de poète breton écrivant en français. Je constate que rares sont les poètes, quels qu'ils soient, qui n'ont pas ce problème que l'on pourrait énoncer en termes simples, disant dans quelle langue est-ce que j'écris ? Est-ce que je peux ou est-ce que je dois écrire ? Moi aussi, on me reproche, parce que je suis breton, de ne pas écrire en breton. On m'a déjà reproché dans des réunions. En Allemagne, à Kiel, un étudiant m'a dit que je trahissais mon origine bretonne en écrivant en français. À quoi je lui ai répondu qu'il confondait la victime et le bourreau. Pas parce que moi, si je n'écrivais pas en breton, c'est qu'on m'avait interdit d'apprendre le breton, et donc je n'étais pas responsable. Est-ce que j'aurais écrit en breton? Je ne sais pas, parce que je ne parlerai peut-être que la langue bretonne m'aurait permis d'aller plus loin. Peut-être pas. Écrivant en français, on me dit que ma langue a des sonorités quand même, des consonances bretonnes. Et je pense que, dans la mesure où ma poésie est reçue en France, la Bretagne est reçue par elle, à travers elle. Vous écoutez France Culture, La Fabrique de l'Histoire, Emmanuel Laurentin. Une Fabrique de l'Histoire donc consacrée pendant toute cette semaine à l'histoire de la Bretagne, et plus exactement aujourd'hui avec nos trois invités, vous, Victor Massé de l'Épinay, donc à la question de l'avenir et surtout du passé de la langue bretonne jusqu'à aujourd'hui. Oui, Manaïk Thomas, je voulais vous entendre réagir à cette archive d'Eugène Guivic en précisant que ça date de 1975 et Ronan Calvez parlait d'Elias juste avant qu'on écoute cette archive. 1975, c'est aussi l'année où est sorti Pierre-Jacques Elias, où est sorti Le Cheval d'Orgueil, qui a fait beaucoup aussi pour la reconnaissance de la langue française dans la culture française en général, de la langue bretonne. Dans la culture française en général. Qu'est-ce que vous pouvez dire de ce moment 75, de ce qu'on vient d'entendre de Eugène Guivic? Tout à fait. Alors, cet extrait-là est vraiment très intéressant. Il doit presque se justifier de ne pas écrire en breton. Là, je pense que 60, c'est pas l'année 75, ça s'explique très bien à ce moment-là, en fait. C'est lié au Cheval d'Orgueil. Alors, on pourrait dire aussi qu'Elias a écrit Le Cheval d'Orgueil en français, d'abord. Et c'est en français qu'il connaît un succès énorme. Qu'il s'occupait à la radio en Bretagne, des émissions en langue bretonne, qu'il était, il a participé depuis longtemps, justement, à la promotion et au développement du parler en langue bretonne. Tout à fait. Pendant 10 ans, il a fait des émissions donc à la radio en breton. Et puis, à une période, il commence à écrire. Déjà, à la période de la radio, il écrivait en breton et en français. Et puis, donc, il va connaître le succès avec Le Cheval d'Orgueil en 75. Alors, Le Cheval d'Orgueil est écrit dans les deux langues simultanément, mais voilà, le fonctionnement du champ littéraire tel qu'il est à cette époque fait que c'est Plon qui lui propose, hein, c'est Jean Mallory chez Plon qui lui propose dans de publier cette, dans la collection Terre Humaine cet ouvrage et qui va connaître un succès inattendu. Alors, il faut aussi le remettre dans le contexte d'un militantisme parce que Elias publie en 75, mais avant lui, il y a eu énormément de poètes fin des années 60, début des années 70, hein, qui ont aussi écrit en breton et en français, mais là dans une dimension extrêmement militante. Oui, parce qu'il faut tout de même dire qu'il y a, si cette langue s'est installée, si elle s'est installée en particulier dans la littérature, tout au long du 19e et du 20e siècle, Nelly Blanchard, c'est parce qu'il y a eu des éditeurs, il y a eu des maisons d'édition qui se sont créées, qui ont à chaque fois épousé une cause. La cause de la ville marquée au début du 19e siècle, c'est la rupture de la Révolution française, c'est l'anti-révolution française, c'est la volonté de renouer avec une histoire d'avant la Révolution, par exemple, en faisant le Barzaz-Braille, et puis le romantisme naissant de ce début de 19e siècle. À la fin du 19e siècle, c'est tout autre chose, et ensuite, dans les années 30, c'est encore autre chose, et pour les années 70, dont vient de parler Manaïk Thomas, c'est encore quelque chose de différent. Mais il y a toujours un lien à une revendication, à une politique, à une volonté d'exister. Oui, je crois qu'à partir du premier tiers du 19e siècle, la littérature de langue bretonne rentre dans une phase de reconnaissance, de, comme j'ai dit tout à l'heure, de singularisation, va parler justement, va prendre pour la première fois comme sujet littéraire la Bretagne et la langue bretonne, ce qui n'était pas le cas auparavant. Alors évidemment, sur deux siècles, les choses vont évoluer, comme vous l'avez dit, et vont bouger. Mais on est toujours dans cette phase de revendication. On écrit pour prouver que la littérature bretonne existe. C'était La Ville marquée le premier à l'avoir dit, Cardanet et surtout La Ville marquée. Et donc finalement, à cette époque, on était balancé entre l'indifférence générale et l'hyper-légitimation. C'est vrai que les recherches depuis nous permettent de savoir comment les uns et les autres se situaient. La Ville marquée, lui, très clairement, effectivement, alors oui, dans une Bretagne d'Ancien Régime ou même dans des cadres primitifs, oui. Rêvés, hein, on pourrait le dire. Oui, comme d'ailleurs, à la même époque, on invente des océans, des gens comme ça, qui sont des fausses mythologies celtiques, par exemple, ou des brumes du Nord, et qu'il y a dans ce romantisme du début du 19e siècle quelque chose qui est concomitant à plusieurs des espaces géographiques de l'Europe à cette époque-là. Vous avez travaillé très spécifiquement, Nelly Blanchard, sur la fin du 19e siècle et sur une bascule qui me semble intéressante après vous avoir lu, celle des années 1870-80 jusqu'aux années de la Première Guerre mondiale, où vous avez pu analyser très précisément, en regardant qui publie, où on publie en langue bretonne, donc dans ces années-là, des évolutions qui n'apparaîtraient pas au premier abord comme étant si évidentes, mais quand on vous lit, ça l'est. Effectivement, je me suis emparée, grâce à un projet que j'ai monté avec Jean-Baptiste Pressac et Manaï Thomas, Prélib, qui est une base de données, je me suis emparée d'un tout petit détail pour exploiter cette base qui sont les dédicaces. Ouais. C'est assez formidable, je reconnais. Voilà. Alors, les dédicaces dans les œuvres, voilà, publiées en langue bretonne dans ces années-là. Alors, je dois dire que nous avons la chance, je pense, quand on travaille sur la langue bretonne, d'avoir une sorte de laboratoire où cela est possible. Parce que sur le domaine français, c'est inimaginable de faire ce travail de manière exhaustive. Bien sûr, parce qu'il faut dire qu'on est à peu près dans des publications de 10 à 12 volumes par an les bonnes années, voilà. Et de 6 à 7 volumes par an les mauvaises années cette fin 19e siècle, oui, en langue bretonne. C'est cela. C'est-à-dire que ça m'a fait sortir environ 250 ouvrages, ce qui n'est pas impossible. Voilà. Donc ce travail, je l'ai mené. Et effectivement, j'ai été très surprise de voir comment le phénomène de dédicace naît à un moment donné, de façon très spontanée et très soudaine. Et ce moment-là, en fait, correspond à la construction et la fabrication d'un réseau social autour du mouvement de revendication, autour de la langue bretonne, qui va s'appeler EMSAO, qui va se nommer lui-même EMSAO dans les années 1890-1900. Et c'est vrai que cela se sent, ce tissage de liens, on cherche à montrer que, en fait, on gagne du terrain, on connaît énormément de monde et que ce mouvement est en train de gagner du terrain grâce à ce petit détail que sont les dédicaces. Oui, parce qu'on a la renaissance du druidisme, on a la naissance de l'Union régionaliste bretonne en 1898, et puis progressivement, on va voir effectivement un chamboulement, pourrait-on dire, de référence avec ces réseaux que vous retissez très précisément dans votre travail, dans votre article, pour réveiller le sentiment breton, c'est ça ? Tout à fait. L'objectif étant de réveiller le sentiment breton. Alors, la langue, la foi, le sentiment régionaliste, puisque c'est un mouvement régionaliste. Toutes ces personnes sont en lien, d'une part avec des personnes de Paris, d'autres régions de France, hein, que ce soit Jaffrenou, qu'on a mentionné tout à l'heure, etc., avec des personnes d'autres pays celtiques, puisque l'interceltisme est déjà né au XIXe siècle et que cela va se poursuivre, par Jaffrenou notamment. Une recherche aussi de toucher des gens du peuple. Et Jaffrenou, par exemple, va solliciter aussi des, ce qu'il va appeler, bardes populaires, pour les mettre à écrire, à passer de l'oral à l'écrit, etc. Donc il y a une volonté, effectivement, de gagner beaucoup de terrain socialement. Victor Massé-Lépine. Sur un temps un peu plus long, entre le 19e et le début du 20e siècle, vous dites qu'on passe dans ce que vous appelez, dans ce qui s'appelle l'Emzao. Alors peut-être qu'il faudra nous dire ce que ça veut dire encore, Emzao. Mais qu'est-ce qui change fondamentalement dans la dimension qu'on veut donner à la langue bretonne, puisque Emmanuel le disait tout à l'heure, il y a toujours eu l'idée d'une oppression de la langue bretonne, en tout cas depuis, on pourrait dire, l'abbé Grégoire qui disait qu'il fallait éradiquer les patois bretons, anéantissement des patois, c'était plutôt ça le terme. Ensuite, il y a eu, par exemple, Jules Ferry dans les années 1880. En 1902-1905, il y a encore et toujours cette idée d'anéantir le breton. Qu'est-ce qui change ? Pourquoi est-ce que le breton devient peut-être plus un objet politique dans l'Emzao ? Manik Thomas. Oui, alors effectivement, là, je pense que ça fait aussi partie de l'apport de 50 ans de recherche en sociolinguistique du breton, essayer de comprendre aussi d'où viennent ces discours, qui sont aussi des discours qui sont portés par le mouvement militant breton dans la perspective de défense de la langue. Et effectivement, porter un discours d'oppression de l'État sur les bretonnants, c'est un discours qui va porter ses fruits, même si... L'idée d'une langue meurtrie, comme le dit Guy Aurel dans son article, dans l'ouvrage collectif dirigé par Joël Cornet, dont on parlait lundi, par exemple. Oui, c'est ça. Alors, c'est vrai que, quand on regarde les choses un peu plus précisément ou différemment, on se rend compte qu'il faut aussi nuancer cette approche-là, et notamment dans le... Alors, on peut la nuancer de différentes manières, notamment à différentes époques, ça va se dire différemment. C'est aussi... Tout ce discours-là vient aussi des années 70 et du mouvement militant des années 70. Il est interdit de cracher par terre et de parler breton. C'est une dont formule... on ne trouve pas d'ailleurs. Non, c'est ça. La ce trace n'est pas, voilà. C'est une formule qui n'est pas avérée historiquement. Mais c'est un slogan qui va faire un écho considérable et qui va se diffuser comme ça dans des discours, dans des poèmes. Une réinvention justement. Il y a des réinventions successives, pourrait-on dire, de cette question de la domination et de l'impossibilité de parler sa propre langue, qui se réinvente au fur et à mesure du XXe siècle, par exemple. Oui, tout à fait. Il y a une forme aussi de plasticité du mouvement breton, qui finalement, en fonction des périodes, alors que ce soit pendant la période de la ville marquée ou que ce soit dans les années 70, on va aussi s'adapter à des discours qui sont dans l'air du temps et donc, voilà, une forme de plasticité. Et donc, la revendication linguistique va aussi correspondre à ces discours-là. Victor Massé-Lépine. Alors, on parle pas mal de l'Église depuis le début de cette émission. Comment est-ce que ça évolue, le rapport entre la langue bretonne et l'Église ? On peut dire, en 1905, la foi et le breton sont frères et sœurs en Bretagne. Et puis, en même temps... Il faudrait le dire en breton, quand même. Et puis, désolé. On vous laisse faire. Et puis, en même temps, au début du XXe siècle, justement, il y a aussi des espèces de... des espèces des confréries ou des mouvements druidiques qui naissent au gré de voyages de certains bretonnants au Pays de Galles ou en Irlande. Là, on n'est plus tellement dans quelque chose de chrétien, on est quelque chose... Non, je confirme. Voilà. Donc, est-ce que le breton s'affranchit de l'Église à un moment ? Est-ce que les liens ont toujours été... Renaud Calvez. L'Église, jusqu'au XXe siècle, a façonné, forgé une langue de culture. Je pense que un des premiers détachements de la première sécularisation du breton, c'est peut-être, mais elle existe au XVIIIe siècle. Les nobles qui écrivent en breton de la littérature libertine sont relativement détachés de l'Église quand même. Mais par contre, je pense que la première sécularisation, c'est sans doute 1925 et la naissance de Gualarne, qui se veut une. Alors il faut expliquer ce qu'est Gualarne. Gualarne, c'est une revue littéraire en breton. qui est créé par des nationalistes attachés à la au journal Breizatao, qui est le journal du à l'époque du mouvement Parti autonomiste breton. Cette revue littéraire est une revue qui se veut totalement détachée de l'Église catholique et qui crée et qui veut façonner une langue littéraire et qui veut façonner une littérature détachée, entre autres, du joug de l'Église catholique. Vous avez remarqué d'ailleurs dans votre analyse de ces livres publiés à la fin du 19e siècle et au début du 20e, ce détachement justement, parce que dans la première partie de cette période, Nelly Blanchard, vous dites que ce sont surtout des hommes d'Église ou des femmes d'Église qui écrivent en breton et qui publie en breton avant 1890, quelque chose comme ça, et qu'après, il y aura une sorte de laïcisation de cet usage de la langue bretonne dans l'édition. Oui, tout à fait, ça s'élargit, l'éventail des métiers s'élargit, on voit bien que c'est une forme de sécularisation, effectivement. Et pour répondre en partie également à votre question tout à l'heure, je pense que 1905 est un moment très important dans le domaine de la littérature bretonne, parce que justement, il y a là à nouveau le discours sur, enfin, peut-être même le premier discours de domination et d'interdiction du breton par la fermeture des congrégations religieuses que nourrit ces premières Emsaou et dont les nationalistes ont essayé de se détacher, justement, alors que chez les régionalistes, la religion et la Bretagne et le breton sont encore liés. Et alors, Emsaou, ça veut dire quoi? Se relever. C'est le relèvement. Et donc, vous évoquiez tout à l'heure le mouvement donc issu de Breizatao, la revue issue de Breizatao dans les années 20. Évidemment, on peut pas passer sous silence, mais vous y avez déjà travaillé longtemps. Ronan Calvez, ces périodes des années 30 et des années 40 de la Seconde Guerre mondiale, de cet usage du breton, de cette revendication de la langue bretonne, mais y compris la possibilité dans les écoles, par exemple, sous Vichy, de prononcer ou de chanter en breton, ce qui n'était pas possible auparavant. Des cours de breton, avoir une heure et demie de cours de breton. Carcopineau, oui. Voilà. C'est donc le secrétaire d'État de l'époque, Jérôme Carcopineau, qui met cela en place, en l'occurrence. Et évidemment, le stigmate à la fin de la Seconde Guerre mondiale qui va s'attacher justement à cet enseignement en breton, à la libération. Je suis pas sûr que ce soit vraiment l'enseignement en breton sous Vichy. J'ai l'impression que ce qui a été vécu ou qui a volontairement été présenté comme un stigmate, c'est la collaboration du mouvement breton avec l'occupant. Avec l'occupant, avec les nazis. La création de l'émission de radio financée par les Allemands, un institut celtique financé également indirectement par les Allemands. Donc il y a là une collaboration du mouvement nationaliste, mais qui a été aussi sans doute instrumentalisée par le nouveau pouvoir en place pour retirer, enfin en tous les cas, toute revendication pour la langue bretonne étant jugée suspecte. Et après la Seconde Guerre mondiale, ça n'empêchera pas les sœurs Goadec de chanter en breton. La bergère, un titre des sœurs Goadec. Alors, Manaïk Thomas, effectivement, ces sœurs Goadec sont des véritables vedettes dans les années 50, 60, un peu partout en France, d'ailleurs, pas simplement en Bretagne, et réhabilitent d'une certaine façon ou remettent à l'honneur justement cette question des chants en breton, des langues bretonnes, des guerres, et qui permet justement peut-être, non pas d'effacer, mais de faire en sorte que ce dont on parlait à l'instant même avec Renan Calvet, c'est-à-dire la Seconde Guerre mondiale et la collaboration de mouvements bretons avec l'occupant, eh bien, soit un peu derrière soi. Mais il y a toujours, à l'intérieur de ceux qui veulent défendre la langue bretonne, des tiraillements dans ces années 60 et 70. Oui, alors ce qui est intéressant avec cet exemple des Sœurs Gwadec, c'est que je pense que ça témoigne de quelque chose qui continue, que ce soit pendant la période de la guerre et après, c'est-à-dire une pratique populaire du breton, du chant, etc., en langue bretonne, et puis sur lequel va venir se greffer des discours de militantisme linguistique. Et c'est vrai qu'après la guerre, les choses sont un peu à refonder, reconstruire, et on peut penser notamment à Alain Stivell, qui va participer grandement à cette renommée des Sœurs Gwadec. Elles vont être présentées comme les témoins de quelque chose qui n'aurait jamais changé. C'est-à-dire, certes, il y a eu des aléas historiques dont dans cette période des années 70, on va pas beaucoup parler, mais on va reprendre donc les Sœurs Gwadec et puis d'autres chanteurs et chanteuses, et puis pour dire que finalement rien n'a changé et voilà, la langue bretonne se retrouve avec un passage à gauche aussi de la langue bretonne et de ceux qui la défendent, enfin l'UDB par exemple, Union démocratique bretonne, qui se développe dans ces années 70, c'est un mouvement de gauche et qui s'affirme comme tel. Voilà, alors en effet de nouveau une forme de plasticité, c'est-à-dire que là dans les années en 63, donc création de l'UDB, avec la particularité donc de l'Union démocratique bretonne, effectivement donc d'un discours à la fois pour la Bretagne et de gauche, et qui va être aussi diffusé, alimenté en breton et en français dans le domaine littéraire, alors par des poètes. Là, on a toute une période de poésie très très engagée de Paul Keinec, Jan Berpiriou, des poètes comme ça. Donc, qui écrivent à la fois en breton et en français, et qui vont être relayés également par des chanteurs, puisque Gilles Servat, Youen Guernic, etc. Donc, Trianne. Voilà, un certain nombre après dans le domaine musical, hein, qui vont aussi relayer ce mouvement maintenant, ce mouvement breton, donc de gauche et de défense de la Bretagne, du breton, etc. Et avec cette sensibilité, effectivement, d'être à la fois poète pour les uns et chanteur en même temps, d'une certaine façon, et de, oui, que la musique accompagne justement cette question de la promotion de la langue aussi. Oui, voilà. Alors ça, c'est sans doute un des traits la littérature en langue bretonne écrite, elle est très très peu diffusée. Donc le passage par les piquets de grève, les concerts de Servat dans les piquets de grève, les concerts de Guernic dans les piquets de grève, forcément ça permet une diffusion plus large, avec cette idée qu'il y aurait une convergence, une convergence des luttes entre les ouvriers du Juin français par exemple, qui manifestent et qui font grève pendant 2 mois à Saint-Brieuc, et puis cette revendication là pour la Bretagne. Donc il y a un essai en tout cas de rapprocher ces différents types de revendications. Et vous faites la comparaison, ce mélange entre politique et langue avec le Pays Basque dans les mêmes années, etc. Il peut y avoir des sortes de combats communs, pourrait-on dire, qui soient menés au nom d'une politique et au nom de la langue en même temps. Voilà ce qui est assez intéressant aussi quand on compare du point de vue de l'histoire littéraire notamment, c'est de voir les similarités effectivement entre les différentes l'histoire littéraire des différentes langues régionales, en effet, que ce soit le Pays Basque, que ce soit pour l'Occitan également. Renan Calvez, on n'a pas évoqué plus précisément, mais il nous reste quelques minutes pour terminer cette émission, avant d'écouter l'extrait du documentaire qu'on passera demain, qui a été réalisé par Victor Massé d'Épinay et Thomas Duterre, pour évoquer votre travail au CRBC, cette question de l'écrit, vous le mettez au cœur de votre réflexion, puisque la semaine prochaine, vous allez lancer une grande collecte, je crois, sur le modèle des grandes collectes des Archives nationales. Vous êtes bien informé. En effet, vous avez bien informé, surtout. le Centre de recherche bretonne et celtique fête ses 50 ans, 1969-2019, et différentes manifestations. Le CRBC, c'est un laboratoire de recherche avec des collègues de Brest et de Rennes. Le CRBC, c'est une bibliothèque, la plus grande bibliothèque spécialisée sur la matière bretonne. On achète systématiquement tout ce qui est publié en breton, mais c'est également une maison d'édition. Et dans le cadre des 50 ans du CRBC, nous allons lancer une grande collecte en lien avec les archives départementales des cinq départements de la Bretagne provinciale pour proposer aux gens de nous donner ou de nous prêter des manuscrits bretons qu'ils possèdent chez eux. Pour les numériser ? Pour ensuite les numériser, éventuellement les conserver si les gens nous les donnent. Des sermons, des chansons, des souvenirs. C'est-à-dire une grande collecte de langue bretonne sur le modèle des grandes collectes des archives nationales. Oui, une petite question pour finir. Vous évoquez à l'instant les 5 départements de la Bretagne provinciale. C'est une question dont l'ombre plane un peu toute cette semaine, puisque tous les jours, nos intervenants nous parlent de la Bretagne B5, de la Loire-Atlantique, qui est dans la Bretagne. En 2017, il y a eu le premier panneau de rue bilingue à Nantes, qui était une ville, je crois, dans laquelle on n'a pas parlé le breton. Comment est-ce que les historiens que vous êtes, je ne sais pas lequel ou laquelle veut répondre, voient cet usage aujourd'hui politique du breton dans une identité bretonne qui vient peut-être un peu d'en haut, quoi. Ronan Calvez. C'est un usage symbolique. Il se trouve que, vous parlez de Nantes, mais les marches de Bretagne, dans les petites villes... C'était le pays gallo. Là où l'on parlait, en effet, gallo, vous avez énormément de panneaux bilingues. Parce que c'est aussi une façon de montrer que vous rentrez dans un nouveau territoire et que donc, symboliquement, il y a une langue nouvelle, même si, historiquement, on n'a pas, en effet, beaucoup parlé breton dans ces régions-là. Manaïk Thomas, puisqu'on en est à dire beaucoup de bien de votre centre de recherche CRBC à Brest, vous lancez aussi une grande initiative qui s'appelle Rebelle, donc ça veut dire République locale des lettres, c'est ça ? Et c'est quoi exactement ? Alors le CRBC qui est aussi un centre d'archives en fait, puisque nous disposons d'un certain nombre d'archives, notamment d'écrivains et différents acteurs en fait du mouvement alors littéraire, culturel et politique breton, a répondu donc en effet à un appel à projet du GIS Percé Collex. Oula. Disons que c'est un appel à projet voilà national, c'est-à-dire que c'est pas un travail uniquement local. Hein. L'idée étant de numériser des archives qui sont conservées au CRBC, en partenariat avec d'autres centres d'archives, notamment le CIRDOC. Puisque au CIRDOC, donc là ça concerne les Occitans, il y a notamment les archives de Robert Laffont, les archives départementales du Finistère également. Et l'idée, c'est à travers cette numérisation, de voir, notamment après la guerre, s'il y a un jeu littéraire qui se construit en parallèle au champ littéraire national. Oui, et donc s'il y a une particularité des transmissions entre les uns et les autres, effectivement. Et c'est entre 1946 et 1977. Un dernier mot sur votre centre de recherche, Ronan Calvez. Bon anniversaire. Bon anniversaire. C'est-à-dire que, il y a différentes manifestations qui sont la bibliothèque. C'est une occasion aussi de faire connaître la bibliothèque qui est donc UMS, unité mixte de services, donc reconnue par le CNRS. Et donc, l'objectif, c'est de faire connaître cette bibliothèque qui est ouverte au public, qui possède un très riche fond, mais qui possède aussi des archives qui sont évidemment, valorisées. Nous avons une bibliothèque numérique. Sur cette bibliothèque numérique, nous mettons en ligne des documents qui sont conservés dans notre centre de recherche, dans notre bibliothèque. Et si on veut donc et qu'on nous a entendu, on veut vous envoyer des documents écrits en breton, on le fait à l'adresse du CRBC. Évidemment, les gens, il y aura une journée porte ouverte le 27 avril. Les gens pourront venir nous déposer ces documents. Ils peuvent nous les remettre également nous les envoyer et nous les numériserons. Et nous les accueillerons et les recevrons avec grand plaisir. Merci à tous les trois et toutes les trois d'être venus ici donc pour nous parler de la langue bretonne, de son histoire jusqu'à aujourd'hui et de ses 50 ans du CRBC. Demain, nous concluons notre série d'émissions avec votre documentaire que vous avez réalisé avec Thomas Duterre, Victor Massel-Lépiné. Oui, nous sommes allés près de Carhaix, à Carnouët, dans un lieu que beaucoup de Bretons connaissent aujourd'hui, qui s'appelle la Vallée des Saints, qui est un lieu très original, une initiative originale. 1000 statues à terme de saints bretons en granit, 1000 statues monumentales sur une colline. On a une vue magnifique. On a essayé de comprendre quelle histoire était racontée dans cet endroit et pourquoi et à qui. On a essayé de donner la parole à un peu différents acteurs et différents points de vue. Un extrait de votre documentaire. Vous voyez, là j'ai un grain 60 et on voit tout de suite, la face n'est pas adoucie, mais on voit que la pierre, voilà. Tous les ans, il y a un nombre de saints qui est financé. Et après, on organise ça donc par rapport aux affinités qu'il pourrait y avoir déjà entre les mécènes et les sculpteurs, la sensibilité de chacun. Et après, une fois que le mécène est OK sur un sculpteur, on échange autour du projet. Mais ce qui est intéressant à la Vallée des Saints, je pense, c'est que, je ne sais pas si vous avez remarqué, il n'y a pas de signe ostentatoire. On n'est pas dans la représentation véritablement du religieux, même si pour certains c'est ça. Pour moi, en tous les cas, c'est pas ce que je veux représenter. Moi, je parle plutôt du côté historique de la Bretagne, de ses légendes. On évite d'être trop, justement, clivé sur quelque chose pour que le visiteur puisse y trouver ce qu'il veut. Ça peut être simplement de la balade en famille, de la spiritualité, des gens qui aiment la pierre, voilà, qui aiment l'histoire de la Bretagne, toute la création des villages. Les sept saints fondateurs donc, sont Saint Paul, fondateur de Saint Paul de Léon, Saint Sanson pour Dole, Saint Brieux pour Saint Brieux, Saint Malo pour Saint Malo, Saint Paterne pour Vannes, Saint Corentin pour Quimper et Saint Tuc du Hal pour Tréguier. Et donc ces sept saints fondateurs, nous, qui ont été créés donc, à Saint Paul Léon, quand on est arrivé ici, bah, c'est encore une idée de Rémy Laurinquer, le maire de Carnoët à l'époque, qui nous dit tiens, ça serait pas mal de les mettre autour de la mode féodale et de les tourner le regard vers leur commune. Ce qui fait, ben voilà, quand on regarde Saint-Malo, là, qui est juste à côté, eh ben, il est le regard tourné vers Saint-Malo. Les saints bretons, à part quelques rares exceptions, car elles sont rares, hein, ne sont pas des saints reconnus par l'Église catholique. Si vous envoyez la liste, vous trouvez des noms, vous vous dites, mais d'où il sort celui-là? Mais ben, c'est pas difficile, hein, il sort d'Irlande ou du Pays de Galles. La légende que vous trouvez partout, c'est qu'ils sont venus dans une auge de pierre, les uns et les autres. Bon, on sait que ce n'est pas vrai. Si vous avez essayé de faire flotter un caillou, c'est très difficile. Je voudrais inscrire aussi cette Vallée des Saints dans l'histoire longue. Finalement, le geste de Philippe Abgeant s'enracine au XIXe siècle où on réinvente la Bretagne, ses traditions littéraires, sa langue, pour montrer qu'elle est un peuple exceptionnel. Et quand il dit qu'il inscrit dans la pierre la mythologie de la Bretagne, d'une part, on saisit bien l'ambiguïté par rapport au catholicisme, il parle de mythologie, et puis, en même temps, son dessin d'un catholicisme populaire qu'il veut, en un sens, réhabiliter. Voilà donc pour un extrait du documentaire que vous pourrez entendre demain dans la Fabrique de l'Histoire consacré à cette vallée des saints qui, si j'ai bien compris, n'est pas dans une vallée mais sur une colline. Avec vous donc Victor Massé-Lépiné et vous Thomas Duterre. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Marion Dupont et Céline Leclerc. Nicolas Delmas était avec nous à la technique aujourd'hui et Thomas Duterre à la réalisation. J'espère que les Bretons vous nous pardonnez à la fois notre mauvaise prononciation, en tout cas la mienne, et par ailleurs le fait d'avoir oublié plein de Bretons célèbres dont on n'a pas parlé. On aurait pu parler de Donatien Laurent, on aurait pu parler d'Yann Fanch-Kemener et de bien d'autres. Eh bien voilà, c'est tant pis, on n'en a pas parlé, on en parlera une autre fois. Merci à tous les trois et à toutes les trois d'être venus ici même.